Rêve du vis-moi aussi, là où on tège la cocaïne, là où je suis en ville avec ma famille, là où personne se kill. Dans ma ville, la flicaille se loin des victimes et des victimes. Dans ma ville, le roi est mesquine, mesquine à tous mes frères victimes de saloperie. Dans ma ville, la haine se propage, tout le monde est en cage, tout le monde manque de cash. C'est grave, le moyen de faire du fric, c'est l'arme. Je te le dis, dans mon street album, tout le monde a un grand code, tout le monde se code. Dans ma ville, je fous le bordel, au fait merci à mes amis qui restent fidèles. Dans ma ville, y'a pas de PD, dédicace à ceux qui ont acheté mon CD. C'est vrai, tout le monde est foncé, à cause des soucis que fait la société. Pour un feat, y'a aucun souci, si tu veux mon avis, suis mes concis. Ouais, les profs, ils vont en cours, et les mecs, arrête de faire péter. Dans ma ville, les rumeurs disent que je suis riche, plus je m'en bats les couilles, mon pote, rembarque. La morale, trou de balle, sache que ça paye la bicrave. Dans ma ville, c'est critique les dégâts de la politique. Ouais. Dans ma ville, tu prends l'habitude de la perquise. Ouais. Dans ma ville, tu vis avec la pression des Schmitt. Ouais. Dans ma putain de ville, grâce au crime, on survit. Ouais. C'est dans cette ville où on est tous poursuivis par la justice. Ouais. Dans ma ville, peu se ceux à aimer la police. Police, police, police. Dans ma ville, c'est critique les dégâts de la politique. Ouais. Dans ma ville, tu prends l'habitude de la perquise. Ouais. Dans ma ville, tu vis avec la pression des Schmitt. Ouais. Dans ma putain de ville, grâce au crime, on survit. Ouais. C'est dans cette ville où on est tous poursuivis par la justice. Ouais. Dans ma ville, peu se ceux à aimer la police. Police, police. Rap pour les gros bâtards, pour les crevards, continue les études, mec, après c'est trop tard. Dans ma ville, tout le monde pédable, paix à mes frères en gardable. Dans ma ville, y'a plus que des racailles, mais aucun racaille, t'as quoi. Pour mes frères qui gardent là, car la pinta de la mienne à tous les fils de pute qui essayent de nous boycotter. Allez tous vous faire baiser, j'ai aucun regret. Dans ma ville, y'a plus de jaloux, tout le monde prend ses jambes à son cou. Eh ouais, gros son de voyous. Dans ma ville, y'a que des malades fous. Tout le monde essaye de s'en sortir, pire les flics essayent de nous faire nuire. La nuit ça part en baston, je reste toujours anti-décon. Hey jaloux, on peut pas être bon partout. Pour moi le peuple a raison. Dans ma ville Sarko, je vais péter le trou du fion. Ouais. Voyons, c'est pour mes voyous. Dans ma ville y'a plus aucun comico. Y'a plus des roros. Pour mes vrais frérots, c'est frérots. Ouais. Dans ma ville, c'est critique les dégâts de la politique. Ouais. Dans ma ville, tu prends l'habitude de la perquise. Ouais. Dans ma ville, tu vis avec la pression des Schmitt. Ouais. Dans ma putain de ville, grâce au crime, on survit. Ouais. C'est dans cette ville où on est tous poursuivis par la justice. Ouais. Dans ma ville, peu se ceux à aimer la police. Police, police, police. Dans ma ville, c'est critique les dégâts de la politique. Ouais. Dans ma ville, tu prends l'habitude de la perquise. Dans ouais. ma ville, tu vis avec la pression des Schmitt. Ouais. Dans ma putain de ville, grâce au crime, on survit. Ouais. C'est dans cette ville où on est tous poursuivis par la justice. Ouais. Dans ma ville, peu se ceux à aimer la police. Police. Ici, reste à trouver un PMR, frère. Voilà comment on voit notre